Eut accès des clubs aux inconnus, c'est trop cher. On en achète plus beaucoup aussi. On n'ose plus boire un coup dans la rue. On le fait bien ailleurs. Oui, mais pas ici. On ne compte même pas les plaisirs rendus. Faut dire qu'il n'y en a plus. Il est déjà trop tard, fin de l'action. Nouvelle décennie, nouveaux ennuis. Par ici la sortie, voie de garage pour les abrutis. T'es pas content, tu tires ta gueule de travers. T'es pas le seul, tu sais, c'est pareil sur terre. Nouvelle année et ça ne va pas s'arranger. La virée des enculés est en pleine expansion. Pire que des martiens, ils font entendre raison à ceux qui doutent, qui regardent le passé. Nouvelles têtes, les mêmes conquêtes. Les conquistadors se sodomisent et se fêtent. Peu farouches, mais farouchement imbattables quand il s'agit de brailler et de passer à table. Nouveau PNQ et nouvelles déconvenues. Tous ces fleurs fesses qui se grattent le menton grimpent au rideau comme on espère être vu. Ils sont la fine fleur d'une décennie en apesanteur. Dans le fin fond d'une ville mal éteinte traînent encore quelques abrutis ennuyés qui ne savent pas ce qu'ils font là, à cet endroit, mais qui respirent chaque jour un air vicié. Il leur prendra l'envie un jour d'une étreinte que seuls savent comment mener. Ils balayeront des allées de quelques idiots couronnés pour prendre leur place et que vive la révolution. Ceux qui ne savent pas encore, c'est qu'ils sont tout autant PNQ que l'Assemblée, et qu'une fois la clé tournée dans le bon sens, ils la retourneront dans le mauvais de manière innée. C'est une constante et le flair y est pour quelque chose. On renverse, on essuie tout et on recommence. On fait tomber, on relève et on assied. On se bat, on fait la paix et on s'ennuie. Nouveau rêve et toujours pas de trêve. Le silence de l'esprit a repris le dessus. Et comme d'habitude, il est maître en la matière. Et on peut s'égosiller pour rien, mais ça entretient. Muscles de la gorge, glotte en vrac pour le plaisir. Puis on rentre chez soi, on regarde les infos, des fois que ça y est, on est là, on se voit avec une pancarte fièrement dressée et des slogans d'abrutis cultivés. On a appris à manifester pour mieux se taire, on a appris à contester pour mieux avaler, on a appris à se battre pour mieux capituler. On a appris la grimace pour mieux se satisfaire. Malheureusement, on n'aura pas le temps de regretter. Quelques faits d'armes, quelques larmes et des souvenirs. Rien de tel pour alimenter une conscience collective. On a appris à penser, mais de manière sélective.